Mais avant de commencer cette émission consacrée, comme toute cette semaine, aux auditeurs de la Fabrique de l'Histoire, rappelons que ces auditeurs, nous les verrons en fin de journée, samedi prochain, donc samedi 12 mars, de 10h à 18h à la Sorbonne, pour l'occasion de l'année vue par l'Histoire, ces rencontres et ces débats autour de l'Histoire. Les intellectuels n'ont pas toujours été de gauche, l'Europe, la fin d'une promesse de paix, dompter la peur, la Fabrique des Apatrides, et également un grand entretien avec Sanjay Subramaniam. C'est à la Sorbonne, donc samedi prochain, en fin de semaine, entre 10h et 18h, et les réservations sont sur le site franceculture.fr ou encore 01 56 40 37 53 01 56 40 37 53. Deuxième volet donc de notre semaine Vive les auditeurs avec Victor Massé de l'Épinay aujourd'hui, pendant laquelle nous présentons des travaux sur l'Histoire présents sur le net et relayés par les réseaux sociaux et en particulier le groupe Facebook des Amis de la Fabrique. Ce matin, nous vous présentons trois usages de la vidéo pour parler entre autres de l'Antiquité, trois types de youtubeurs de l'Antique pourrait-on dire. Après un entretien d'Hugo Bimard avec Victor Massé de l'Épinay, émaillé d'extraits de Confessions d'Histoire, vidéo historique et humoristique dont il est l'auteur, nous discuterons avec Manon Bril, doctorante en histoire antique qui conçoit des vidéos humoristiques et pédagogiques sur l'Antiquité, c'est une autre histoire, mais aussi sur la recherche contemporaine pour Mondes Sociaux, c'est également elle qui fait donc des vidéos de popularisation, pourrait-on dire, de la recherche contemporaine sur ce site qui s'appelle Mondes Sociaux. Et puis ensuite, Karim Samour sera avec nous, il est doctorant à l'université de Caen en histoire antique, sa thèse porte sur les machines de siège romaines et il est membre de l'équipe qui s'appelle Le Plan de Rome, un projet de l'équipe Erlis, équipe de recherche sur les littératures imaginaire et société de l'Université de Caen. Bonjour Victor Massé de l'Épinay. Bonjour Emmanuel. Alors nous allons tous les deux explorer, nous avons exploré tous les deux ces façons de parler de l'histoire qui sont des façons présentes sur le net et en particulier par la vidéo. Et vous allez tout de suite nous présenter le premier de ces youtubeurs de l'histoire, pourrait-on dire. Et ben, le premier de ces youtubeurs, c'est Hugo Bimard, c'est le créateur, auteur, réalisateur de Confessions d'Histoire dont on peut voir les vidéos sur YouTube et sur confessionsd'histoire.fr. Il hésite à se définir comme youtubeur et il est assez branché Antiquité, mais surtout Moyen-Âge, puisque pour l'instant, sur les trois épisodes de Confessions d'Histoire qu'il a réalisés, deux parlent du Moyen-Âge. Et c'est avec le deuxième, qui est consacré à la première croisade, que l'entretien qu'on a fait avec lui est émaillé. Émaillé, voilà. Est-ce que c'est une émission? Est-ce que c'est une web-série? Est-ce que c'est... Moi, je définis ça comme une sorte de court-métrage un peu particulière. En gros, il s'agit tout simplement d'interviews de personnages historiques. On ressuscite des grands noms de l'histoire, et puis parfois aussi des personnages un petit peu plus lambda, et on leur donne la parole dans un décor qui reprend un petit peu l'esthétique des confessionnaux de télé-réalité. Et ainsi, César et Vercingétorix peuvent venir témoigner face caméra, nous raconter leur épopée, leur malheur, et quand ils ont éventuellement des vérités historiques à rétablir, ben, ils ne s'en privent pas. Épisode 2, la première croisade, 1095-1099. Bah, le pape a donné sa bénédiction. Pierre l'ermite, pèlerin. Alors moi j'y retourne en Terre Sainte, hein. Et cette fois je rameute tout le monde, hein. Les femmes, les enfants, les vieillards, les malades, les paysans, les pauvres, les bossus, enfin. On est le peuple de Dieu et on y va tous. Ah, notre foi est immense et elle va tout balayer sur son passage. Jésus nous attend dans son royaume. Deus lo vult. C'est la volonté divine. Ah oui. J'ai même ici une lettre authentique signée de la main de Dieu qui le dit. Ah, je l'ai quelque part. Je la sors de ce pas. Bougez pas, je l'ai. Quelque part, je pourrais la sortir, mais j'ai pas le... parce que j'ai pas envie. Alors moi, je ne suis pas du tout historien de formation. J'ai fait des études littéraires en philosophie et en cinéma. Par contre, l'histoire est devenue une passion. Il y a quelques années de ça, je me suis mis à reprendre des bouquins, à éplucher un petit peu des histoires de France, à me refaire une culture là-dedans. J'avais des connaissances, comme beaucoup de gens, très éparses. Et j'ai eu envie, à un moment donné, de restructurer ça Et donc voilà, ça m'a amené à me replonger dans des vieux auteurs, comme des écrits plus récents, de la vulgarisation comme des livres d'historiens. Bizarrement, c'est arrivé au même moment où je suis devenu père. Il y a peut-être quelque chose qui se passe dans ces moments-là, où je sais pas, de l'ordre de la transmission, où beaucoup de gens se sont redécouverts comme ça un intérêt pour l'histoire dans des circonstances analogues, c'est bon. Au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, en me rendant compte à quel point l'histoire était truffée de moments, comment dire, parfois qui confinent aux loufoques. C'est-à-dire qu'il y a des personnages en couleur, il y a des rebondissements, il y a des situations, et il y a aussi une source d'humour souvent tragique, souvent noir, mais un véritable potentiel comique à tout ça. Et petit à petit, donc voilà, c'est comme ça que le concept est né par petits bouts, la dernière brique étant le rapport à la télé-réalité, qui a terminé de donner une identité à ce projet. Urbain 2, Pape. En vérité, je vous le dis, nous, on comptait surtout sur les chevaliers, les seigneurs, les princes, la noblesse, quoi. Et voilà que les premiers à répondre à l'appel, c'est près de 50 000 cutéreux de la plus basse extraction, à l'exception d'un chevalier errant nommé Gauthier sans avoir. Enfin, tout est dans le nom, hein, vous voyez un peu le pédigré. Et les gars, ils sont partis comme ça, pieds nus, pour Jérusalem, sans aucune expérience militaire, comptant sur un miracle. Alors c'est vrai qu'en chemin, ils se sont un peu entraînés sur tous les juifs qu'ils ont pu trouver. Certains ont essayé de leur expliquer. Ça, c'est pas des Turcs, les gars. C'est même pas des Arabes. Mais bon, vous savez ce que c'est avec les pauvres. Et ils ont foutu une de ces merdes tout le long du chemin. Ils étaient contents, les Byzantins. C'est nous, ça, les Byzantins ? Alexis Ier, Basileus de l'Empire d'Orient. Personne ne nous appelle comme ça. Vous voyez qui on est, c'est clair pour tout le monde. Nous, on est l'Empire romain, tout simplement, même si on parle grec. Capitale, Constantinople. Ah oui, parce que, à l'Ouest, quand ils parlent de la chute de l'Empire romain, bah, ils ont un peu tendance à oublier que c'est leur moitié qui s'est effondrée. Nous, on est toujours là. Et on est bien là. Et ça fait 500 ans qu'on est encore là. Et je vous parie qu'on est encore là pour longtemps. Est-ce que pour vous, Hugo Bimard, toutes les périodes historiques ont ce potentiel humoristique que vous développez ? Alors, c'est évident que, en ce qui concerne par exemple la Première Guerre mondiale ou même la Seconde, j'aurais beaucoup de mal à faire rire avec ça. Il se trouve que par ailleurs, moi, par goût personnel, je suis plutôt attiré par l'Antiquité et le Moyen-Âge. Déjà à la Renaissance, un petit peu moins, et puis bon... Le grand siècle, tout ça, c'est pas trop mon truc. Moi, plus ça ressemble à Conan le Barbare, plus j'aime. Voilà. Donc, je préfère rester dans des trucs comme ça, un petit peu plus bruts. Par rapport à l'écriture, un truc aussi qu'il faut bien voir, c'est que j'ai un impératif, c'est de faire en sorte que l'humour naisse toujours des situations, des personnages et de l'histoire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un cours d'histoire avec une couche d'humour qu'on met par-dessus pour faire passer la pilule. C'est important pour moi que toutes les blagues trouvent leur source dans les situations et dans les personnalités. C'est la vraie référence historique qui devient de l'humour. Quand on a vu arriver des hordes de bouseux fanatisés... Alexis Ier. On n'a pas bien compris. On leur a bien dit d'attendre les armées de leur seigneur, mais ils ne voulaient rien savoir. Jérusalem, Jérusalem, qui criait. Bonjour le niveau. Les gars, à peine sortis de leur vallée, et chaque ville rencontrée, ils croyaient qu'ils étaient arrivés à destination. Et puis avec ça, pas plus doué en histoire qu'en géographie. Hein. Pour eux, Jésus et tout le tintouin, ça remontait à 3-4 générations maximum. 1000 ans, ça leur passait complètement au-dessus du ciboulot. Ah, ils étaient sacrément cons. Moi, comme je le disais, mon goût va plus vers des sujets très anciens, antiques et médiévaux. En plus, je trouve que voilà, la distance est suffisamment grande pour vraiment le traiter avec toute l'ampleur humoristique qu'on veut. Donc, comme j'ai une vision un petit peu globale de l'histoire, je vois le moment qui pourrait être potentiellement intéressant. J'ai déjà quelques idées en tête qui parfois sont remises en cause par l'analyse et une étude plus approfondie. Et à partir de là, je trouve des livres et je me documente et je lis. Et je lis beaucoup, souvent en prenant un ouvrage comme référence, qui va donner un petit peu le ton. C'était le Amin Malouf, les croisades vues par les Arabes sur la première croisade. Ça a été le livre de Madame Pernoud sur Aliénor. Voilà, à chaque fois comme ça, il y a un petit peu un livre qui sort un peu qui est mis en exergue. Et puis derrière, il y a les références sont comparées, confrontées avec d'autres sources. Et parfois, on arrive évidemment à des sources qui sont contradictoires. Et là, ça devient rigolo. Est-ce que Césarion est, oui ou non, le fils de César ? Selon la date de naissance, certains historiens disent que oui, s'il est né en moins 47, disent que non, s'il est né en moins 44. Et à partir de là, donc, il faut faire des choix. Et c'est là que c'est intéressant aussi, parce que moi, typiquement, je vais choisir l'option dans laquelle il y a le plus de possibilités de faire de l'humour. Pas forcément celle qui sera la plus réaliste ou la plus acceptée par le milieu des historiens, mais en tout cas celle qui va permettre le bon gag. Oh mes frères, oui, ça y est, les portes de la terre promise s'ouvrent à nous. Alléluia ! Pierre l'ermite. Nous venons à toi, Seigneur ! Gloire à Dieu ! Nous venons à toi, Seigneur ! On les a tous butés. Kilich Arslan Ier, sultan seljoukide. Ils n'ont pas dépassé les plaines de Nicée. En quelques heures, on s'est retrouvé avec une petite montagne de cadavres, tout piqué de flèches comme des loukoums au beau milieu du paysage. Bon, pour de vrai, on n'a pas trop tué les gosses, hein, on les a embarqués pour en faire des esclaves. C'est vrai, quoi, on n'est pas des chiens. Donc il y a une liberté qui permet de créer des situations humoristiques. Il y a aussi quand même une volonté de précision historique, avec des périodes qui sont souvent d'une part méconnues, d'autre part assez complexes, on pense aux croisades, et d'autre part, il y a une volonté de briser certaines images d'Épinal que le grand public peut avoir. Les Gaulois portaient la moustache, ou d'autres choses comme ça. Et ça, les personnages cassent ce genre d'image-là. Alors, sur cette notion d'image d'Épinal et de remise en cause des idées reçues, c'était très présent et ça avait toute sa place dans le premier épisode sur la guerre des Gaules, en particulier avec Vercingétorix qui va s'exprimer au nom des Celtes et non pas des Gaulois. Comme c'est avec cet épisode-là qu'on s'est fait connaître, beaucoup de gens ont tout de suite identifié ce principe-là dans l'ADN de Confession d'Histoire. C'était pas quelque chose qui était particulièrement prémédité, mais du coup, comme j'ai vu à quel point ça plaisait de rentrer dans ce genre de démarche, je m'efforce de le prolonger et justement voilà de conserver cet ADN. Typiquement, prochainement avec Cléopâtre, on appuiera sur le fait que Cléopâtre était plus grecque qu'égyptienne, macédonienne. Bon, mais en effet, Cléopâtre, rien que le nom, c'est vrai que ça paraît évident. Que les Ptolémées étaient bel et bien des Grecs, même s'ils ont opéré une fusion entre la culture grecque et la culture locale qu'ils ont trouvée suite au démembrement de l'Empire d'Alexandre. Mais c'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu du grand public. Pas forcément. Cléopâtre, reine d'Égypte. Ça, oui, ça parle à tout le monde. Donc voilà, là, c'est intéressant, dans ces moments-là, de revenir là-dessus et d'avoir une Cléopâtre qui dit « Attendez, Cléopâtre, Théa, Philopator, vous trouvez que ça sonne égyptien comme nom ?» Alors, que je vous explique, hein ? Al-Mustazir, 28e calife abbasside. Nous, les musulmans de souche, à la base, on était déjà très divisés. Entre la dynastie abbasside sunnite à Bagdad, ça c'est moi, hein, tout jeune calife de 22 ans, et puis la dynastie fatimide chiite au Caire, hein, alors, qui ont leur propre calife. Bon, bref. Là-dessus, voilà que les Turcs seljoukides, convertis récemment à l'islam sunnite, viennent envahir ce qui est resté du califat abbasside, repoussent les fatimides vers le sud, et puis s'emparent d'une bonne partie des terres byzantines. Ce qui, d'ailleurs, donna lieu à des alliances de circonstances entre les chiites fatimides et les chrétiens byzantins, contre les Turcs sunnites. Hein ? Ouais, je sais, ouais, c'est un beau bordel. Faire marrer pour faire marrer, ça me suffisait pas. Mais je voulais quand même quelque chose voilà, dont on puisse tirer une vraie valeur ajoutée en termes d'enseignement et de pédagogie. Au départ, par exemple, je n'avais pas forcément pensé à mettre des cartes ou des illustrations qui accompagnent ces interviews. D'abord pour que ce soit visuellement plus intéressant, moins monotone, et puis aussi pour donc renforcer cet aspect de compréhension important, d'autant plus que on a une chaîne YouTube, on a aussi un site, confessionsdhistoire.fr, sur lequel on a très vite vu l'intérêt qu'il y avait à rajouter des notes, comme à la fin d'un bouquin, des notes historiques en l'occurrence, qui reprennent les propos et qui développent. Quand certaines sources sont contradictoires, comme je disais tout à l'heure, on les mentionne. Il y a aussi parfois des petites informations, parce que certaines blagues sont vraiment des blagues un peu des private jokes d'historiens. Par exemple, quand César dit Veni, vidi, vici, avec une grosse erreur de prononciation du latin, puisqu'il devrait dire Wini, widi, wiki, ah tiens, c'est pas mal ça, je la replacerai. C'est une blague en référence au fait que cette phrase n'a pas été prononcée dans le cadre de la guerre des Gaules, mais quelques années plus tard, suite à l'affrontement avec le fils de Mithridate, le roi du pont Euxin, après donc sa rencontre avec Cléopâtre. Donc sur le site, il y a une petite note qui reprend cette phrase et qui explique en quoi c'est une blague. Ça permet également de remettre un petit peu des dates, parce que le fait d'avoir des personnages comme ça qui parlent un peu hors du temps, face caméra, on est un petit peu en dehors de toute chronologie. Et malgré tout, c'est quand même important en histoire. Donc c'est là aussi où le site apporte cette petite plus-value. En vérité, je vous le dis, ils ont dégusté les pouilleux. Urbain 2. Mais ensuite, ce sont les grands seigneurs qui sont partis. Les barons, avec armes, armures, chevaux, machines de siège et tutti quanti. Et là, ils ont moins rigolé, les Arabes. Enfin, les Turcs. Enfin bref, vous m'avez compris. Je vais être très honnête avec vous. Des princes et des grands seigneurs, il y en avait. Le frère du roi de France, c'est pas de la merde, ça. Baudouin Ier. Et le vieux Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, duc de Narbonne et marquis de Provence, tout de même, qui a tout plaqué pour partir en croisade. Mais bon, parmi nous, il y en a pas mal qui sont les petits derniers. Les troisièmes fils comme moi. Ceux qui vont jamais hériter de rien, à part d'une carrière chez les curés. C'est pas sexy comme avenir. Alors les croisades, ben pour nous, c'est la rémission de tous nos péchés. Et ça, c'est bien. Mais c'est surtout l'occasion de voir du pays, et peut-être même d'avoir du pays. Est-ce que vous savez qui est votre public ? Alors très vite, on s'est rendu compte qu'en effet, il y avait pas mal de professeurs, d'universitaires, de professeurs de collège ou de lycée, des chercheurs également, des archéologues. Le fait que le premier épisode soit sur la guerre des Gaules avec quelques mots latins a attiré tout de suite beaucoup de profs de latin qui sont tombés là-dessus, qui se le sont refilé, j'imagine, en salle des profs, sous le manteau, en quelque sorte. Parfois, il y en a certains qui vont peut-être apporter une petite précision. Le problème étant que quand on fait de la vulgarisation, il y a un niveau de détail auquel on est censé s'arrêter, sinon ça devient imbuvable. Et le diable étant dans les détails, c'est parfois voilà, dans ce niveau de détail que quelque chose qui pourrait s'apparenter à un contresens, mais n'en est pas vraiment un, va peut-être passer comme tel. Après, pour ce qui est du public vraiment au sens plus large, il y a beaucoup l'idée que YouTube serait forcément associé aux ados et aux jeunes. Je ne regarde pas les statistiques, je ne sais pas exactement, mais d'après ce que je vois dans les commentaires que je peux lire, je crois qu'on a vraiment un public très large, où il n'y a pas tant de tout jeunes que ça, en tout cas pas de pré-ados, peut-être quelques ados, forcément, mais on a surtout des... De 18 à 50, 60, on a vraiment tous les âges. Quand on est entré dans Jérusalem, on a trouvé de tout. Des Arabes, des Juifs, des Turcs, des Arméniens. C'était un sacré bordel. Baudouin Ier. Alors dans le doute, on les a tous butés. Et tous ces barons se sont taillés des royaumes un peu partout en Terre Sainte. Alexis Ier. En refusant évidemment de nous rendre nos terres qu'ils avaient reconquises. Super, Led, super. Et en prime, ils ont commencé à nous foutre sur la tronche, à nous aussi. Ben, avec les copains, on s'est installés un peu partout. Bohémond, le grand blond avec une fibule noire à Antioche, le vieux Raymond de Saint-Gilles à Tripoli, et moi, je me suis trouvé une petite famille royale arménienne à Édesse. J'ai épousé la fille et je me suis débarrassé des parents. Mon frère, Godefroy de Bouillon, lui, s'est carrément installé à Jérusalem. Tous les croisés voulaient qu'il devienne roi, parce que c'est un cador, le frangin. Eh ben, il a fait sa star. Il a dit « Je ne porterai pas de couronne en or là où le Christ a porté une couronne d'épines. » C'est pas la classe, ça. Et il est mort un an après avoir mangé un citron. Bah ouais, faut faire gaffe à ce qu'on bouffe à l'étranger. Hein. Du coup, j'ai quitté Edess et j'ai pris le job. Le prochain épisode, c'est la bataille d'Actium qui va sortir en avril sur Internet. Et ça va peut-être être, en définitive, d'Alexandrie à Actium. Et la suite, mais pour plus tard, ça devrait être là la suite des croisades, par contre, avec la troisième croisade qui va nous permettre d'inviter Richard Cœur de Lion, où là aussi, voilà, c'est le genre de personnage, typiquement, il y a beaucoup de choses à dire, puisque Robin des Bois en a fait un personnage symbolique de la royauté anglaise, alors qu'en définitive, le mec, il a foutu trois fois les pieds en Angleterre, qu'il était avant tout un continental, bien ancré dans son Aquitaine natale, et à qui on fera dire que, oh non, mais l'Angleterre, rien que le climat, déjà, ça donne pas trop envie, donc on est beaucoup mieux à Bordeaux ou à Poitiers. Et également Philippe Auguste, évidemment, son ami puis ennemi juré, avec toute la dynamique comme ça qui va être intéressante à traiter entre les deux potes qui dorment ensemble dans la même tente et qui partent en croisade et puis qui petit à petit en viennent à se mettre gentiment sur la gueule jusqu'à la fin, en tout cas, de la vie d'un des deux. Quand même. Vous trouvez pas que ça manque un petit peu de gonzesse, leur truc ? Pourquoi faire ? Ah, d'accord. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Avec Victor Massé de l'Épinay pour cette semaine donc consacrée à la question des auditeurs, à la façon dont les auditeurs contribuent à nous donner des idées, à nous faire connaître de nouvelles façons de parler d'histoire. Et on a compris, parfois, eh bien, dans le bureau de la Fabrique de l'Histoire, on écoute ce type de vidéos, celles de confessions d'histoire qui nous font beaucoup rire. Alors Victor Massé de l'Épinay, c'est une autre façon de parler de l'histoire que de passer par la vidéo, par l'image, par l'humour aussi, et nous avons une autre personne qui s'adonne à ce type de travail. Elle s'appelle Manon Bril. Bonjour Manon Bril. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis les studios de Radio France à Toulouse. Vous êtes toulousaine, en tout cas vous faites vos études à Toulouse. Vous êtes doctorante en histoire et vous vous êtes fait remarquer il y a quelque temps sur le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire. Vous n'avez pas été toujours très bien accueillie d'ailleurs en postant vos premières vidéos, donc des vidéos sur l'Antiquité qui tentaient de raconter très rapidement, en quelques minutes, des faits d'histoire antique, en particulier des faits autour de la mythologie antique. Vous les voulez aussi drôles, rapides, enlevés dans l'écriture et dans la façon de raconter cette histoire. Et quelquefois, on vous a dit, mais tout compte fait, est-ce bien de l'histoire que vous faites ? Est-ce du spectacle ? Enfin, en gros, ça n'a pas plu à tout le monde, Manon Bril. Oui, ça n'a pas plu à tout le monde parce que certaines personnes ont du mal à différencier, je pense, la forme et le fond. Après, je peux tout à fait comprendre que la forme plaise pas à tout le monde parce qu'elle est particulière, elle est un peu vulgaire parfois, elle est assez légère. Et donc, il y a des gens qui font l'amalgame entre c'est léger, donc le fond est léger. Ce qui n'est pas le cas, j'espère en tout cas. Et donc voilà. Mais c'est vrai qu'au début, en plus, ça affecte assez vite. Alors moi, j'ai pas forcément répondu de manière intelligente non plus. Donc je m'excuse de ça aussi. Mais bon, ça, c'est des choses qui, avec le temps aussi, on apprend à gérer ça. Et oui, on n'a pas forcément lorsqu'on est étudiant en histoire l'habitude voilà, de se confronter à ce type de critique. En l'occurrence, alors racontez-nous comment ça vous est venu cette idée de non seulement faire votre thèse, ce que vous êtes en train de faire. Je crois que c'est une thèse sur la réception, en particulier, de l'Antiquité. Ouais. Tout à fait, oui. Je suis doctorante en réception de l'Antiquité, donc je travaille sur comment l'Antiquité est utilisée dans d'autres périodes de l'histoire. Donc réception, c'est comment on reçoit l'Antiquité à d'autres moments. Et donc moi, je travaille sur, plus précisément, la déesse Athéna, donc la déesse antique de la guerre et de la sagesse, au XIXe siècle. Voilà, pour faire assez large. Donc je suis à la fois sur la période antique et la période contemporaine. Oui, c'est ça, c'est-à-dire le mélange des deux, la façon dont se transmet l'histoire. Et pour donner une petite idée, comme on l'a fait pour Confession d'Histoire, de votre travail, un extrait d'une de ces vidéos montée par Véronique Samouilov, notre réalisatrice. Hey, salut ! Re-bienvenue dans C'est une autre histoire. Aujourd'hui, on va faire le deuxième relooking mythologique. Générique ! Ready? Je te rappelle un peu le concept si t'as pas vu le précédent. Le relooking mythologique, en fait, le but c'est de vulgariser une discipline de l'histoire qui s'appelle la réception de l'Antiquité. Non, attends, Zappa, je t'explique. La réception de l'Antiquité, en fait, c'est tout simplement comment, dans d'autres périodes de l'histoire, on reçoit l'Antiquité. Réception. Comment on la reçoit, c'est-à-dire comment on la perçoit, comment on la comprend, comment on se l'approprie, comment on la détourne éventuellement au Moyen-Âge, à la Renaissance, à l'époque moderne, contemporaine, aujourd'hui. Et même, il y a des gens qui travaillent sur la réception de l'Antiquité dans l'Antiquité. Antiquitéception. Rappelle-toi aussi, je t'ai dit que dans l'Antiquité, il existait plein de versions différentes d'un même mythe, donc je pourrais pas toutes les raconter à chaque fois, je fais des choix, mais oui, tu pourras en rencontrer d'autres. Ça va être super cool. Alors pour ce deuxième relooking, on va parler d'Athéna, la grande déesse de la guerre et de la sagesse. Ouais, ça claque. Alors qui était Athéna dans l'Antiquité? C'est vrai que nous, de notre point de vue de contemporain, on comprend pas trop comment on peut associer guerre et sagesse, hein, a priori c'est bizarre. Et en fait, guerre et sagesse, du point de vue des anciens, ça n'est pas contradictoire. En fait, Athéna, c'est la déesse de la guerre réfléchie, tactique, stratégique, de conduire à la victoire. Ce type de guerre... Voilà, donc un extrait de votre vidéo, c'est une autre histoire, Manon Bril. Alors, on sent dans le ton que vous craignez l'ennui. En tout cas, vous craignez que celui qui vous regarde s'ennuie. Vous vous adressez à qui dans ces vidéos, c'est une autre histoire, Manon Bril? Alors, ça s'adresse à des gens qui sont pas familiers de l'histoire, a priori. Hein. C'est sûr que les spécialistes vont pas s'y retrouver, parce que, a priori, le but, c'est plutôt de faire découvrir à des gens qui connaissent pas ou qui estiment que c'est pas forcément fait pour eux. Je sais pas si je crains l'ennui, c'est ma façon de parler et d'être comme ça. C'est vrai que je suis speed. Je l'entends, enfin, quand on l'entend comme ça, après, on s'en rend compte. Non, mais quand vous dites à votre lecteur, auditeur ou téléspectateur sur YouTube, quand vous lui dites reste, parce que c'est compliqué comme terme, c'est bien que vous craignez qu'il s'ennuie ou que vous pensez qu'il va peut-être s'ennuyer parce que vous utilisez le terme de réception d'antiquité, par exemple. Oui, ou qu'il soit effrayé, en tout cas, par le vocabulaire ou les choses techniques ou l'antiquité. Certains ont l'image un peu poussiéreuse de l'antiquité, c'est vieux, c'est de la poussière, tout ça. Donc oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça où il faut essayer d'accrocher. En plus, bon, bah, YouTube, c'est quelque chose où on zappe très rapidement, donc il faut essayer de raccrocher les gens. Mais ouais. Victor Massé de l'Épinay. Oui, Manon Bril, bonjour. Bonjour. Vous avez peut-être entendu le petit reportage qu'on a fait avec Hugo Bimard de Confession d'Histoire. Il nous disait que, justement, il ne sait pas exactement à qui il s'adresse. Plus exactement, il y a une différence entre les cibles supposées. On se dit c'est plus pour les gens qui ne connaissent pas très bien l'histoire et qui vont y trouver quelques petites choses intéressantes que pour les spécialistes. Mais finalement, il y a aussi beaucoup de spécialistes qui vous regardent, certainement, de gens qui s'amusent à voir comment vous traitez les sujets. Est-ce que vous savez, non pas à qui vous vous adressez, mais qui vous regarde? Est-ce que ça vous intéresse de savoir si vous avez des profs, des universitaires, des chercheurs qui vous regardent? Ouais, alors je regarde un petit peu les statistiques sur YouTube. Alors je l'ai pas fait régulièrement, mais je pensais à Hugo qui disait qu'il savait pas si les adolescents le regardaient, par exemple. Je sais que moi c'est pas le cas, par exemple, c'est très peu le cas, ils sont moins de 5%, et que la tranche d'âge qui me concerne, c'est plus les 18-35 ans, c'est plus ma génération en fait. Et je sais que il y a des chercheurs qui regardent, tout simplement parce que les gens à l'université se sont intéressés à ce que je faisais, j'en ai parlé autour de moi, dans mon laboratoire, etc. Donc il y a ces personnes-là qui regardent, et c'est sûr qu'effectivement ces gens-là regardent pas pour les mêmes raisons. Peut-être qu'ils regarderont pour voir comment je traite le sujet, pour voir s'ils peuvent si ça leur convient, le montrer peut-être à d'autres pour faire découvrir. Donc oui, c'est quand même regardé par certains universitaires aussi, pas pour les mêmes raisons effectivement, mais voilà. Victor. Et ces gens qui vous regardent, c'est eux qui finalement, ce sont peut-être les mêmes que ceux qui regardent un peu Confession d'Histoire, que ceux qui regardent les vidéos d'Histoire Brève, de Nota Bene, de Histoni, de quelques youtubeurs, peut-être que le mot est trop vague ou trop général, mais est-ce que c'est finalement tous ces téléspectateurs, ces spectateurs qui créent une communauté, puisque finalement vous connaissez Hugo Bimard, vous connaissez sans doute Nota Bene, alors qu'à l'origine c'est des personnes qui font des vidéos, j'allais dire, dans leur coin, tout seul chez eux ou dans leur ville, et finalement vous vous retrouvez grâce aux gens qui font le lien entre vous. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a l'occasion de se rencontrer entre youtubeurs, ça c'est vraiment très agréable, c'est un peu une petite famille. Et moi, ça fait pas très très longtemps que je connais, effectivement, j'ai rencontré Ben de Nota Bene, Hugo, j'ai rencontré Dave d'Histoire Brève aussi pour la communauté Histoire. Et donc, oui, la communauté nous rassemble. Et nous aussi, entre youtubeurs, on s'intéresse les uns aux autres, on regarde ce que font les autres, on se les envoie, on communique. Donc oui, il y a à la fois la communauté internaute et la communauté YouTube. Et c'est agréable, c'est pas forcément tout le temps les mêmes d'ailleurs, c'est pas forcément exactement le même public pour chaque, même au sein d'une même discipline comme l'histoire. Mais ouais, c'est un tout, tout à fait, c'est une famille un peu. Ouais. C'est très intéressant parce que tout compte fait, un des grands succès sur YouTube et sur les réseaux sociaux en matière de popularisation de l'histoire, c'est très très éloigné comme mise en scène de celle que vous faites pour vos propres vidéos, Manon Bril. C'est Henri Guillemin, un historien, donc vulgarisateur, historien des années 60 et 70, qui en particulier pour la radio suisse, la télévision suisse, avait enregistré beaucoup de vidéos qui passaient à la télévision à cette époque-là et qui sont désormais des véritables succès puisque certaines d'entre elles dépassent le million de vues, en l'occurrence d'Henri Guillemin. Et c'est un personnage qui était derrière une table et qui racontait comme un professeur une histoire sur plusieurs dizaines de minutes. C'est très éloigné de ce que vous faites. Qu'est-ce qui, selon vous, explique qu'il y a comme cela des voies alternatives, pourrait-on dire, du récit historique qui passe par Internet et par ces médias que sont les médias comme YouTube? Alors, en tout cas, pour notre part, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de faire quelque chose de différent, justement, pour aller chercher d'autres gens. L'idée, c'est de proposer une forme différente volontairement pour essayer de toucher un autre public. Voilà, de toucher un autre public et de réconcilier certains avec l'histoire qui se sont construit une image de l'histoire qui n'est pas forcément ce qu'elle est ou qui a pu être ce qu'on leur a transmis à d'autres moments, quelque chose d'un peu austère. Et donc, il y a des formes un peu traditionnelles qui sont restées et on peut voir encore des formats comme ça qui sont assez proches et qui restent assez classiques. Et nous, on a voulu prendre... Enfin, on a fait le choix d'essayer de faire quelque chose d'autre en se mettant dans la rue, en collant des images, en utilisant volontairement un... cadre qui n'est pas historique, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé filmer dans des ruines antiques, par exemple, ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment fait exprès. Et je me perds. Mais donc, le but, c'était voilà, c'est d'essayer de faire autre chose. Alors, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas vraiment quelque chose où on s'est dit « Ah, il y a un besoin, il faut qu'on fasse ça. Mm-hmm. » C'est plus une envie, voilà. C'est plus quelque chose de spontané. Je me suis dit « Moi, j'aimerais voir ça, en fait. Donc, je vais essayer de faire ça. » Voilà. Et vous avez été sollicité, enfin, je ne sais pas dans quel sens ça s'est passé, par un site extrêmement sérieux, qui est le site de Mondes Sociaux, qui veut populariser, justement, le savoir et la connaissance à partir des travaux des universitaires, pour pouvoir... mettre en scène un article savant. Vous l'avez fait très récemment, je pense que vous allez continuer à le faire, en l'occurrence, Manon Bril. Ça s'est passé comment et comment, d'une certaine façon, des universitaires de Toulouse, autour de Mondes Sociaux, se sont dit, on va utiliser le talent de conteuse de Manon Bril, qu'elle a déjà montré dans certaines de ses vidéos de YouTube, pour pouvoir promouvoir un article extrêmement pointu, extrêmement dur, d'archéologie ou d'autres domaines. Alors, Mondes Sociaux, donc, c'est un magazine universitaire de l'Université Tous Deux, Jean Jaurès, où je fais mes études. Et en fait, c'est tout simplement parce que ce magazine, à la base, a été fondé par le LABEX, donc Laboratoire d'Excellence, qui me finance pour ma thèse. Donc, je connais les gens qui sont dedans, et notamment le webmestre Sébastien Poublan, qui était passé dans la Fabrique de l'Histoire aussi il y a quelques temps. Ouais. Et donc, c'est... Le gestionnaire ou l'inventeur, avec d'autres, du site Euchronie, qui va chercher tout justement dans le net... des sites d'histoire populaires ou moins, pointus ou pas, ouais, pour pouvoir les mettre en avant. Et voilà. Et donc, c'est un ami, hein, tout simplement. Et en fait, dans Mondes Sociaux, les doctorants du LABEX et les chercheurs du LABEX contribuent en proposant des petits articles de vulgarisation de la recherche en sciences humaines à destination du grand public. Et avec Sébastien, on s'était dit, on pourrait essayer de faire ça sous format vidéo, puisque tu pratiques la vidéo. Donc voilà, c'est la même chose que ce que fait Mondes Sociaux à l'écrit. Il propose des petits articles à destination du grand public, et on a essayé de le faire en vidéo, et ça vient de là. Voilà. Ouais. Victor Massé de l'Épinay. Oui, Manon Bril, je voulais juste savoir, est-ce que vous enseignez ou est-ce que vous envisagez d'enseigner à l'issue de votre thèse? Alors, moi, je suis professeur des écoles par ailleurs. Là, en ce moment, je suis détachée le temps de la thèse. Et dans le cadre de mon contrat doctoral, je donne des cours en licence. Donc, j'ai enseigné 2 semestres, là, depuis le début de ma thèse. Voilà. Et après, on verra ce que les opportunités de la vie m'apportent. Et le ton que vous employez en cours peut s'approcher de ce que vous faites dans vos vidéos? Ou alors, vous alors, êtes obligé non, de pas faire... du tout. Oui, non, enfin, c'est vrai qu'on s'attend souvent à ça. Et on me dit souvent, oh, si j'avais une prof comme toi, nanana. Pas du tout. Je suis extrêmement classique en cours. Je suis vraiment... là-dessus, enfin, très très formaté université. Alors, j'essaye de faire un peu tes blagues, etc. Mais j'ai un, Ouais, je suis vraiment une prof banale. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Merci Manon Bril de nous avoir présenté votre travail, mais également votre motivation pour pouvoir justement raconter une autre histoire. C'est le titre d'ailleurs de ces vidéos que vous postez sur le net. Donc c'est une autre histoire, Manon Merci. Bril. Et vous en avez d'autres en préparation, j'imagine. Oui, alors je vais juste faire une petite annonce sympathique. C'est que récemment, j'ai été contactée par la Réunion des musées nationaux et le Grand Palais, donc, pour faire une vidéo en partenariat avec eux qui va sortir bientôt, donc voilà, j'annonce ça avec plaisir. Sur quoi Alors, c'est un format de Tu vois le tableau, donc ce format où nous ouais. expliquons des tableaux, et nous traiterons le thème de la Vierge à l'enfant qui va sortir d'ici 3 semaines, il me semble. Voilà. Merci à vous, Manon Bril, et nous sommes en duplex depuis Caen, où il est également doctorant avec Karim Samour. Bonjour Karim Samour. Bonjour. Vous êtes doctorant à l'Université de Caen en histoire antique et vous, véritablement en histoire antique et pas à cheval, comme Manon Bril, entre l'antique et la contemporaine, pour une thèse que vous faites sur les machines de siège romaines. Et dans cette Université de Caen, eh bien, vous popularisez un travail mené en équipe, un projet qui s'appelle le Plan de Rome. Et vous en êtes le popularisateur, je ne vais pas dire en chef, mais celui qui nous l'a fait connaître d'une certaine façon en postant des vidéos et le travail de ce Plan de Rome sur le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire. Alors, qu'est-ce que ce projet donc, qui dépend d'une équipe qui s'appelle Erlis, équipe de recherche sur les littératures imaginaires et sociétés, et qui donc mobilise, je crois, pas mal de chercheurs de l'Université de Caen, Karim Samour. Oui, c'est un projet qui a commencé il y a 20 ans, en fait. C'est le projet de restituer virtuellement la Rome antique au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc en fait, à Caen, nous possédons une maquette en plâtre qui a été faite au début du siècle par Paul Bigot, qui avait également eu ce projet à son époque et qui l'a fait avec les moyens qu'il avait, qui avait été tout à fait novateur et qui avait voulu apporter une restitution en relief de sujets de recherche qu'on faisait plutôt souvent en dessin et qui n'intégraient pas le contexte des bâtiments les uns par rapport aux autres. Mmh. Victor Massé de l'Épinay. Oui, cette maquette de Paul Bigot, il faut en dire quelques mots, c'est une maquette assez gigantesque, séparée en modules, qui est d'ailleurs depuis quelque temps classée monument historique. C'est vraiment ça l'origine du travail de virtualisation du plan de Rome. Parce que vous aviez cette maquette que vous avez voulu faire quelque chose de plus actuel en reconstituant Rome de façon virtuelle et numérique. On peut dire que c'est un prétexte et on est dans le même état d'esprit que Paul Bigot a pu l'être au début du siècle. Paul Bigot a mis à jour sa maquette jusque dans les années 30. Donc en fait, la maquette actuellement, qui est classée et qu'on ne peut plus modifier, représente un état des connaissances sur la Rome antique des années 30. Et donc le projet Plan de Rome vise à corriger les différentes modifications qu'il y aurait à apporter à cette maquette et qu'on ne peut plus faire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans votre projet de la Rome antique virtuelle, cette dimension évolutive est intrinsèquement comprise, c'est-à-dire que ce que vous faites aujourd'hui peut être modifié au fur et à mesure des découvertes qu'on fera archéologiques ou textuelles ou iconographiques dans les 10, 20 ou 30 prochaines années. Voilà, et en fait c'est le cas en permanence. Le projet a commencé il y a un peu plus de 20 ans et il y a peu de bâtiments qui n'ont pas été retouchés plusieurs fois. Puisqu'on a des retours de différents scientifiques, on a des retours même parfois de non-spécialistes qui nous mentionnent des erreurs, des choses illogiques, et donc qu'on se corrige progressivement. C'est quoi par exemple ces erreurs ? Est-ce que vous avez un exemple de choses que vous avez dû corriger ? Y a un exemple assez récent et qui est dû au Nocturne du Plan de Rome, dont on va pouvoir parler. Donc les Nocturnes, c'est des conférences grand public en fait. On présente notre modèle tous les mois au Canet. Et donc, lors d'une de ces conférences, un auditeur nous expliquait qu'une cuisine, s'il n'y avait pas de fenêtre et qu'il n'y avait aucune aération, il y avait un problème. On était en train de présenter une domus, une maison romaine, une maison de riche, et il n'y avait aucune évacuation pour l'air. Et donc, il fallait bien réfléchir à cette problématique et essayer de trouver une solution. Alors, ça veut dire que vous avez donc un projet depuis une vingtaine d'années, donc à Caen, autour de la numérisation de ce plan de Rome, sa virtualisation, sa possibilité de le transporter par les réseaux sociaux, par le net, mais qu'il y a aussi une dimension de rencontre, pourrait-on dire. On voit sur le site du plan de Rome ces vidéos que vous y mettez régulièrement, Karim Samour, et ces vidéos, ce sont en fait des vidéos de soirée, pourrait-on dire, organisées autour du plan de Rome, où vous prenez tel ou tel bâtiment, telle ou telle place de Rome ou monument célèbre, et vous les popularisez auprès d'un public de Caen, donc qui est votre public. Généralement, les salles ont l'air bien pleines, bien bourrées, pour pouvoir écouter des spécialistes de l'université de Caen, spécialistes de l'antiquité et de l'architecture, qui viennent présenter les questions que pose la reconstitution virtuelle, justement, de certains de ces bâtiments ou des parties de la ville de Rome. Oui, tout à fait. C'est un objectif qu'on s'est donné il y a maintenant 10 ans. Et donc, tous les mois, on essaye de présenter l'actualité de la recherche, puisque régulièrement, on ajoute différents bâtiments dans la Rome antique, et de les présenter à un public non spécialiste. Du coup, ces nocturnes sont vulgarisées, on peut dire. Alors, pas de la même façon que ce qu'on a entendu au début de l'émission, mais accessibles à tous, même à des mineurs. Même si on n'est pas spécialiste, on comprend ce dont il s'agit. Victor Massé-Lépinet. Ce qu'il faut bien comprendre pour ceux de nos auditeurs qui n'ont pas encore vu à quoi ça ressemblait, c'est que, en fait, on est immergé dans la ville de Rome au IVe siècle, dans les yeux d'un personnage qui se déplace dans Rome à la vitesse normale d'un homme qui marche, c'est-à-dire assez lentement, et qu'on se promène de monument en monument. J'ai une question sur le traitement sonore de ce plan de Rome interactif et numérique. Est-ce que vous travaillez sur les ambiances, peut-être, pour que on puisse être immergé encore plus dans ce qu'était la Rome du IVe siècle? Alors voilà, l'immersion dans le plan de Rome est vraiment une de nos problématiques principales de recherche, et on n'a pas encore apporté la dimension sonore au modèle. Y a des groupes de recherche qui ont commencé à se constituer, mais qui n'ont jamais pris pour le moment, et il va falloir beaucoup de temps pour traiter cette question. Ça a déjà été fait par d'autres laboratoires dans d'autres villes, mais on ne l'a pas encore fait au plan de Rome. Oui, il y a en particulier le travail d'Alexandre Vincent autour de cette question-là, qui est professeur à Poitiers, si je ne m'abuse, et puis également, pour le XVIIIe siècle, le travail remarquable de Mylène Pardoin, qui a tenté une reconstitution sonore d'un quartier de Paris au XVIIIe siècle. C'est effectivement peut-être plus difficile. Est-ce que vous êtes aidé, d'une certaine façon, Karim Samour, par tout le travail et les outils qu'utilisent les gens du jeu vidéo pour cette reconstitution? C'est-à-dire, est-ce que le travail scientifique s'appuie sur les outils qu'utilisent, par exemple, les gens qui font Assassin's Creed ou d'autres jeux vidéo qui ont des prétentions historiques, d'une certaine façon, pour pouvoir améliorer votre travail scientifique sur le plan de Rome et sa virtualisation? Alors là où on est aidé, en effet, c'est sur les moteurs de rendu temps réel. Donc on utilise des moteurs de jeux vidéo. Le nôtre, c'est le CryEngine, donc c'est le moteur de jeu utilisé dans Crysis, par exemple, pour ceux qui connaîtraient. Mmh. Et donc, en effet, c'est des moteurs qui sont développés, qui nous permettent de gérer la lumière, qui est scientifiquement très intéressante, de voir quelle partie d'un bâtiment était ombragée, ou était au soleil, à quel moment de la journée. Ça, c'est permis grâce à ce moteur de jeu vidéo. Et cela vous permet quel type d'avancée, pourrait-on dire, dans le travail scientifique? C'est que d'un seul coup, vous rendez visibles des choses qui peut-être ne l'étaient pas lorsqu'on s'intéressait juste à la reproduction en 2D, pourrait-on dire, d'un bâtiment ou d'une partie de la ville de Rome antique? Voilà, en fait, on se rend compte quand on travaille sur un bâtiment et qu'on travaille hors contexte, il nous manque tout le tour du bâtiment et tout son contexte, et on perd énormément d'informations. Et il est impossible, en fait, de faire le travail mental global que l'on arrive à faire grâce aux restitutions virtuelles. Et on a des exemples de simulations solaires qu'on fait, puisqu'en fait, le soleil, dans notre modèle virtuel, il est replacé comme il l'était à Rome en 320, un 21 juin. Et il nous permet de tester l'ombre dans les édifices de spectacle. Est-ce que, par exemple, l'étoile qui servait à ombrager les spectateurs était efficace? Quelle hypothèse il faut mieux privilégier pour ces systèmes-là? Victor Massé-Lépine. Ah oui, c'est ça. J'allais vous dire, j'ai remarqué qu'il fait toujours beau dans le plan de Rome que vous mettez en ligne. autre chose qui devrait permettre de mieux comprendre la façon dont on était en ville à cette époque-là, c'est la population, la foule. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas dans le plan de Rome que vous proposez. Non, le début du projet, en tout cas, c'est l'architecture et l'urbanisme. Donc, on a commencé par faire la Rome monumentale. Donc, on est à peu près 80% de la Rome monumentale de restituer. On commence à faire la Rome plus populaire, donc avec des habitations, avec des domus, avec des boutiques et des commerces. Mais c'est encore très compliqué pour nous, techniquement parlant, de restituer une foule. Et scientifiquement, c'est extrêmement complexe également. L'idée de cette Rome populaire, de cette domus, c'est de pouvoir, quand on se promènera dans ce plan de Rome, de pouvoir rentrer dans toutes les maisons et de pouvoir rentrer dans tous les monuments, comme si vraiment tout était accessible. Alors, pas exactement. Le projet vise à pouvoir entrer dans tous les grands monuments de Rome, les basiliques, les temples, même s'ils pouvaient être fermés, tous les grands monuments que l'on étudie. Par contre, la Rome populaire, il n'y aurait pas d'intérêt scientifique à ouvrir toutes les domus, à ouvrir toutes les insulae, à ouvrir toutes les boutiques. Donc, en fait, on en fait quelques exemples et on voit l'extérieur, par contre, de tous les quartiers résidentiels pour voir l'impact que pouvaient avoir les différents immeubles d'habitation, donc les insulae, sur la ville. Karim Samour, nous posions la question tout à l'heure à Manon Bril de cette sorte de fraternité ou sororité des youtubeurs de l'histoire. Est-ce que pour quelque chose comme le plan de Rome, il y a internationalement une sorte de fraternité, là aussi, liens ou de réseaux entre des universités comme l'université de Caen et d'autres universités dans le monde entier qui travaillent sur ces reconstitutions virtuelles de l'Antiquité, sur ces reconstitutions virtuelles d'une ville aussi importante que Rome au IVe siècle, Karim Samour. Alors, en fait, le lien sur Internet, il se fait vraiment autour de l'Antiquité. Donc, on a évidemment des passionnés d'histoire d'autres périodes qui vont nous contacter, mais ce sont surtout les antiquisants. Et donc, on a en effet des liens avec l'Université de Virginie, qui est le seul autre projet de restitution virtuelle et interactive d'une ville et de la ville de Rome, au IVe également. Et c'est cette communauté qui nous permet, en fait, de passer outre les processus classiques de diffusion de la recherche, en fait. Parce que les publications peuvent mettre parfois un certain temps, et nous, nos restitutions, elles sont faites relativement rapidement. Et c'est dommage de les voir qu'au bout de 4 ou 5 ans. Et donc maintenant, on peut les diffuser directement auprès d'autres chercheurs pour en discuter, par exemple. C'est la vertu, selon vous, justement, de cet usage direct, pourrait-on dire, du producteur que vous êtes avec toute l'équipe du Plan de Rome, de ces maquettes virtuelles en 3D, donc de la ville de Rome, antique, directement aux consommateurs sur le net de YouTube ou d'autres réseaux, en l'occurrence, pour pouvoir aller directement de l'un à l'autre? Oui, en effet, c'est l'un des principaux points. Il y en a un autre qui est également vulgariser et rendre accessible et attractif l'étude de la Rome antique par des scolaires notamment. Il y a beaucoup de collèges qui font encore des voyages à Rome et qui vont utiliser notre modèle en préparation. Victor Massé de l'Épinay. Oui, je voulais juste vous demander qui a accès véritablement au plan de Rome, qui peut s'y promener comme vous le faites dans vos démonstrations dans les nocturnes du plan de Rome. Nous, simples utilisateurs d'Internet, on peut regarder les vidéos qui sont proposées avec des visites, mais on peut pas prendre le contrôle et se promener dans Rome. Est-ce qu'il y a des chercheurs qui demandent l'accès et qui finissent par l'avoir? Comment ça se passe? Alors oui, n'importe quel chercheur qui viendrait à l'université de Caen va pouvoir manipuler le modèle et demander à voir les différents éléments qui l'intéressent. À terme, on aimerait pouvoir le diffuser à tout le monde sur Internet, même un non-spécialiste qui s'intéresse à ces questions. Donc pour le moment, c'est pas mis en place. On est plusieurs dizaines à pouvoir y accéder régulièrement, on va dire. Et ces nocturnes, justement, visent à pallier ce problème qui... On a un modèle interactif extrêmement important, qui est extrêmement grand, et tous les mois on le fait visiter, et donc par ces nocturnes et par la captation de ces nocturnes, on peut avoir un aperçu de l'état de la recherche. Merci, merci à vous, Karim Samour, de nous avoir présenté. Je rappelle que vous êtes doctorant à l'Université de Caen en histoire antique, que vous portez une thèse sur les machines de siège romaines et que vous êtes membre de l'équipe Le Plan de Rome. On pourra retrouver évidemment tous les liens du Plan de Rome, mais également de Mondes Sociaux, de C'est une autre histoire ou encore de Confessions d'Histoire, dont on a parlé avec nos deux autres invités, Manon Bril et Hugo Bimard, sur le site de la Fabrique de l'Histoire, www.franceculture.fr. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Bolivier dans une réalisation de Véronique Samouilov. À la technique aujourd'hui avec nous, Théo Gomard. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission quand vous le souhaitez. Et demain, nous continuerons à évoquer ces auditeurs qui souvent nous alertent sur des sujets que nous ne traiterions pas sans eux. Et vous le savez, chers auditeurs de France Culture, nous sommes le 8 mars et en cette journée internationale du 8 mars dédiée aux droits des femmes, Christiane Taubira nous propose sur France Culture son dictionnaire critique du sexisme. Des mots contre les femmes. Certains sont si sots et si frustes que l'on est frappé d'incrédulité la première fois qu'on les lit. On se réconforte de n'avoir pas eu à les entendre. Ainsi de Napoléon Bonaparte, premier consul, puis consul à vie, enfin empereur des Français. Cambacérès avait rédigé, dès 1793, un projet de code civil stipulant l'égalité des époux et remplaçant l'autorité paternelle par l'autorité parentale, instaurant le divorce par consentement mutuel, accordant des droits aux enfants nés hors mariage. Les conservateurs du fameux groupe des 500 vont estimer ces mesures immorales, prétendant qu'elles généreront du désordre et de la discorde, l'asservissement et la dégradation morale de l'homme. Rien de moins. Qu'en pense Napoléon Ier ? Pire, tout simplement. L'homme du siège de Toulon, le commandant de l'armée d'Italie, le général de l'invasion d'Égypte, le signataire de la paix de Lunéville et de la paix d'Amiens, le vainqueur d'Austerlitz, le fondateur de la Banque de France, celui qui divorça de Joséphine pour cause de stérilité et qui rétablit l'esclavage, cet homme-là pense que la femme est donnée à l'homme pour qu'elle lui fasse des enfants. Elle est donc sa propriété, comme l'arbre fruitier est celle du jardinier. Bon, il y en a qui prétendent aujourd'hui que pour réduire le chômage, il faut renvoyer les femmes à la maison et leur servir une petite allocation humiliante. Ils n'ont ni le panache ni le courage de Napoléon, ils n'en ont gardé que l'arriération. C'était un nouvel épisode du dictionnaire critique du sexisme proposé par Christiane Taubira en cette journée internationale des droits des femmes. L'ensemble de ces chroniques est à retrouver sur franceculture.fr et à suivre sur le hashtag 8 mars. Vous pouvez le retrouver sur le site de France Culture, bien évidemment.